Nous marchions sur un sable fin, uni, non ridé, comme celui des plages qui conservent l'empreinte de la houle. Ce tapis éblouissant, véritable réflecteur, repoussait les rayons du soleil avec une surprenante intensité. De là, cette immense réverbération qui pénétrait toutes les molécules liquides. Serais-je cru si j'affirme qu'à cette profondeur de 30 pieds, j'y voyais comme en plein jour? Pendant un quart d'heure, je foulais ce sable ardent, semé d'une impalpable poussière de coquillages. La coque du Nautilus, dessinée comme un long écueil, disparaissait peu à peu. Mais son fanal, lorsque la nuit se serait faite au milieu des eaux, devait faciliter notre retour à bord en projetant ses rayons avec une netteté parfaite. Il était alors 10 heures du matin. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme. Fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des 7 couleurs du spectre solaire. C'était une merveille, une fête des yeux, que cet enchevêtrement de tons colorés, un véritable kaléidoscope de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Devant ce splendide spectacle, Conseil s'était arrêté, comme moi. Évidemment, le digne garçon, en présence de ces échantillons de zoophytes et de mollusques, classait toujours. Mais il fallait marcher, et nous allions en avant, pendant que voguaient au-dessus de nos têtes des troupes de physalies, laissant leurs tentacules d'outre-mer flotter à la traîne. Des méduses, dont l'ombrelle opaline ou rose tendre, festonnée d'un liston d'azur, nous abritaient des rayons solaires, et des pélagies panopyres qui, dans l'obscurité, eussent semé notre chemin de lueurs phosphorescentes. Toutes ces merveilles, je les entrevis dans l'espace d'un quart de mille. Bientôt, à la plaine de sable succéda une couche de vase visqueux et nous parcourûmes une prairie d'algues. Nous avions quitté le Nautilus depuis 1 heure et demie environ. Il était près de midi. Arrivé à la profondeur de 300 pieds, je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. Il n'était pas encore nécessaire de mettre les appareils Ruhmkorff en activité. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Nous étions enfin arrivés à la lisière de la forêt de l'île Crespo, sans doute l'une des plus belles de l'immense domaine du capitaine Nemo.